XPERP, quand même tu sais que À quoi bon parler avec tes scars là, pas un brin, j'y jante avancer avec ça. Laisse tomber l'éponge, la jette, faut qu'un grotesque. Donne la violence gratisesque, parce qu'on est con, parce que la logique nous a fait ce qu'il atteste quoi. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté que dalle, à part quelques deals, facile qui tremble bien trop vite à condel. Incrédule, ça me laisse voir que les faces intranquilles, ça me blesse. Toujours pour les mêmes histoires à dessous, mais laisse. Le SNES fait que chaque jour des clans se naissent. Dessus, finissent tous par se tirer dessus. À l'aube du troisième millénaire, des milliers de mères, des milliers de frères. Chaque jour et ça m'a millénaire. Les jeunes n'ont plus de haine, c'est la rage dans le cul qu'ils ont. Au gun centre au canne, plus de flèche d'amour à la cupidon. J'essaie de m'investir, fait le possible que les autres puissent être fiers. Mais trop de frères ont oublié leur race au vestiaire. Y'a trop de frères qui tombent dans la trappe. Et ceux qui s'en échappent, ce sont ses frères qui les rattrapent. Je te parle de ceux que le mal frappe, qui tombent comme au bal trappe dans le piège. Trop de frères sombres dans les ténèbres, le soleil ne brille plus. Mais la garde brille comme une lumière, gît de l'ombre. Éclaire l'esprit de celui qui dévie du droit chemin. Ne nourrit du savoir que nos pères ont mis sur un parchemin. Trop de frères sombres dans les ténèbres, le soleil ne brille plus. Mais la garde brille comme une lumière, gît de l'ombre. Éclaire l'esprit de celui qui dévie du droit chemin. Ne nourrit du savoir que nos pères ont mis sur un parchemin. Par tentative de meurtre au premier degré, mon flow fleurt. Par balle, un protège une dérivée, le sursis heurte. Les directives, c'est une empreinte pour la brigade. Mon humeur est grise, ma matière est grise et pousse à l'escalade. Vers l'aube, le changement, le revirement. J'épaule mes frères et mes frères m'épaulent comme un régiment. En cercle, les places et les passions, je prends. J'entreprends, j'entre et prends. Mon ennemi veut mon sang. Si le risque vaut la peine, sans règle aucune pour les miens, je pourrais saigner. N'oublie jamais qu'à l'époque ancienne, pour un rien, on pratiquait la saignée. Les gars, les mots saignent. On n'arrête pas de tâcher. Dans la ville, les chefs plaignent. Finissent pour s'attacher à la merde, comme des mouches et merde. C'est la discorde qui règne. On me dit la douleur enseigne. Alors où sont les savants? Je vois que des caves en l'eau. Des mecs braves en or, salivants. Dans la toque s'enivrant. Des villes comme une malédiction. Garde mal malédiction. Exhorte et fais en sorte d'en sortir. Car demain sera encore pire. Trop de frères sombres dans les ténèbres. Le soleil ne brille plus. Mais la garde brille comme une lumière. Gis de l'ombre. Éclaire l'esprit de celui qui dévie du droit chemin. Le nourrit du savoir que nos pères ont mis sur un parchemin. Trop de frères sombres dans les ténèbres. Le soleil ne brille plus. Mais la garde brille comme une lumière. Gis de l'ombre. Éclaire l'esprit de celui qui dévie du droit chemin. Le nourrit du savoir que nos pères ont mis sur un parchemin. L'heure est venue, mes frères, d'être maîtres de nos destins. Nous fêterons notre victoire comme 12 apôtres autour d'un festin. Maîtres de notre éducation, nous formerons des physiciens, des historiens qui nous enseignent. Nos ancêtres, les Égyptiens. Petit dealer, nos ancêtres n'ont rien de gaulois. Vos contrôles d'identité, nouvel étranger de vos lois. Sortissons en autochtone, indigène d'une zone ghetto aiguisée par sa faune. En partie dictée par des clones échelonnés. Dit tourner, affamé la sonne. Je provoque le face à face, purifie les tranches, viens à mon ligne. C'est mon harmonie, rien à foutre tant qu'avec les miens je reste en harmonie. Passe. Trop de jeunes se lâchent. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, hein? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Faut que tu gardes le poing levé, telle une pousse sortie d'une terre. Hostile pour qu'il survive, un arbre à l'esprit millénaire. Porteur des fruits de la récolte de nos pères ressuscités. Par une armée de négritons que l'histoire a ressuscité. La brigade et l'armée dont moi et les miens avons hérité. Mais aussi celle des frères qui combattent pour nos dignités. Trop de frères sombres dans les ténèbres, le soleil ne brille plus. Mais la garde brille comme une lumière, gît de l'ombre. Éclaire l'esprit de celui qui dévie du droit chemin. Le nourrit du savoir que nos pères ont mis sur un parchemin. Trop de frères sombres dans les ténèbres.